détacher de ton absence mon existence, dépourvue de prestance. Oh, jamais je n'imaginais qu'à ce point tu me manquerais. Je n'ai qu'une prière de te revoir, ma chère. Je n'ai qu'une idée, celle de te ramener. Comment te dire ce qui va sans dire, mais comment te parler sans te malmener? Mais comment te dire ce qui va sans dire, comment te parler sans te malmener? Pour notre logis, pour l'avenir, en bois, briques ou pierre, c'est toi qui gères. Pourquoi pas un bambin qui va, qui vient? Pourquoi pas un bambin qui va, qui vient? Moi je demande qu'à voir pour troquer mon désespoir. Et moi je demande qu'à voir, car j'ai encore la force d'y croire. Et moi je demande qu'à voir pour pas te laisser sans espoir. Et si je demande tout ça, c'est pour que tu me dises de voir. Et si je demande tout ça, c'est pour que tu me demandes d'y croire. Qui va sans dire, mais comment te parler sans te malmener? Et comment te dire, et comment te parler? Te parler sans te malmener.